soir, on doit parler des concepts qui changent, qui évoluent, qui constamment, ou peut-être c'est nous autres qui nous adaptons aux concepts. Et il me semble que c'est tout à fait naturel qu'on soit impatient de voir constamment ces formes évoluer, changer. On aimerait ça que ça soit permanent, cristallisé une bonne fois pour toutes et ne plus remettre ces choses-là en question. Est-ce que ça ne proviendrait pas du fait qu'on soit un petit peu comme des vieilles outres qui craquent de partout sous l'effet d'une adjonction de vin nouveau? Ah, vous avez toujours les images à propos pour introduire une conférence. C'est intéressant ce que vous mentionnez là, parce que l'homme, précisément, est incapable, à mon avis, de vivre ce qu'on pourrait entendre par le mot concept. Évidemment, là, il faut faire une distinction. C'est-à-dire que, curieusement, et le thème de ce soir va essayer de nous faire entrer dans cette notion d'une espèce de revirement profond là, au niveau psychologique, curieusement, par le mot concept, dans cette expression « patience du concept », on ne se réfère pas au concept avec un « X ». Mais on se réfère au concept sans X. C'est-à-dire que l'homme, par son impatience, n'a pas été capable de supporter un contact direct avec les choses. N'a pas été capable de laisser être les choses. Mais il a voulu tout de suite avoir une espèce de contrôle sur les choses, une espèce de maîtrise de la réalité. Et ainsi, il a bâti des concepts. Et c'est le même problème qu'on retrouve ici, à un niveau philosophique ou à un niveau métaphysique, que l'on a retrouvé autrefois lorsque l'homme n'a pas été capable d'avoir la patience de laisser être la divinité et qu'il s'est fait des dieux. De la même manière, on n'est pas capable de laisser être le réel, on se crée des réalités. On se crée des réalités à travers des formulations qu'on appelle, nous, dans le langage populaire, un concept. Mais paradoxalement, je vous le disais, ce que le langage philosophique particulièrement le langage de l'hegelianisme, c'est-à-dire le langage de cet Hegel, ce philosophe allemand qui a renversé tout le réel, philosophique en tout cas, eh bien, ce langage philosophique du mot concept, ça signifie plutôt la fluidité, comme je l'ai déjà mentionné dans des conférences précédentes, c'est-à-dire un accès direct à l'intelligibilité des choses. C'est-à-dire que dans le réel, on a l'habitude de croire que, par exemple, un verre comme celui-là, c'est une réalité sensible. Et on ne se rend pas compte que déjà dans le verre, il y a l'intelligence. C'est-à-dire que déjà dans le verre, il y a une intelligibilité. Et que si on a accès par notre cerveau, par notre conscience, à la réalité qu'on appelle verre, ce n'est pas en fonction de ce qui nous apparaît à nos sens. Mais c'est en fonction d'un concept général. C'est en fonction d'une idée du verre, comme je l'avais déjà mentionné également. C'est-à-dire que si ce qui nous permet de dire que c'est un verre, c'est quelque chose d'intelligent qui est présent à l'intérieur et avec lequel on a accès. Par contre, on n'est pas capable encore d'avoir un accès direct. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir un accès immédiat à la réalité. C'est ça lorsqu'on dit que le savoir nouveau, c'est un savoir immédiat ou instantané. Bon, on dit ça comme ça en se gargarisant. Et sans savoir vraiment ce que l'on dit très souvent, on répète ça parce que le maître de Montréal l'a dit ou ainsi de suite. Mais quand on dit qu'un savoir est immédiat et instantané, ça veut dire qu'il n'est pas médiatisé. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par un médiateur. Il va en ligne directe. Bon, prenons un exemple très concret. J'ai une amie en France qui est astrologue, quand même connue. Elle a écrit quelques ouvrages. Elle est une femme d'expérience dans le domaine de l'astrologie. Et au premier voyage que j'ai fait en Europe, je suis allé au centre rosicrucien de Paris, qui est un bastion de la garde traditionnelle d'une certaine Rose-Croix du début du siècle, ainsi de suite. Et Amy André était présente. Et comme, évidemment, j'étais jeune, j'étais déjà coupable lorsque je me suis présenté là. Alors, c'était une culpabilité innocente, peut-être, mais c'était quand même une culpabilité. Alors, j'étais coupable d'être jeune, de m'être infiltré dans l'association rosicrucienne si jeune, etc. Alors, évidemment, lorsque j'ai été présenté en avant, alors, on m'a demandé d'exposer le pourquoi on venait en France et tout ça, parce que certaines personnes se demandaient si on n'allait pas les convertir. Bon, vous voyez un peu l'esprit. Alors, on arrive là-bas, donc, un milieu assez fermé. Et c'est cette Amy André, donc cet astrologue, qui a pris notre défense là-bas. Et elle disait une chose qui a fait rire bien des gens, surtout dans un milieu traditionnel, dans le sens là, d'assez fermé de la Rose-Croix. Elle disait, pendant des années, je suis passé par les frères aînés. Lorsque j'avais quelque chose à demander, je passais par les frères aînés. Aujourd'hui, je préfère aller directement au Christ. Hein? Elle m'a dit ça tout bonnement, comme ça. Évidemment, ça fait un froid, un silence terrible dans le centre, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Évidemment, tout le monde espère un jour entrer en contact avec ses grands maîtres que sont les frères aînés. Elle dit tout bonnement, bon, depuis des années, je m'adressais aux frères aînés. Maintenant, je préfère aller directement au Christ. Puis elle l'a dit vraiment de bon cœur. On a senti qu'il n'y avait rien là d'artificiel. Hein? Bon, c'est un peu ça. Bon. Cessez de passer par la médiation, aller de manière directe. Alors, au niveau de la métaphysique, au niveau de la connaissance des choses, ça veut dire cesser de passer, bon, tout à l'heure, on parlait derrière du dictionnaire, cesser de passer par le dictionnaire, c'est-à-dire cesser de passer par un système de référence ou un système de symboles ou un système de langage pour avoir accès à la chose. Laissez tomber le grand Robert, le petit Robert et tous ces dictionnaires et sans un médiateur extérieur, essayer d'entrer en contact avec la réalité de la chose. Pour y arriver, il faut être patient. Ça va vite, le dictionnaire, évidemment. On se dit, qu'est-ce que c'est qu'un verre? Bon, on va dans le dictionnaire, on va nous dire une chose qui ne nous avancera pas tellement, mais ça va nous sécuriser. On va se dire, bon, c'est ça, un verre. Mais si on est devant l'objet et qu'on cesse d'aller par différents courants parallèles, mais qu'on va directement à la chose, là, c'est une espèce de communion qui s'établit avec cette chose. Et là, on entre dans un rapport qui est le rapport du siècle futur, qu'on aime le mot ou la terminologie ou qu'on ne l'aime pas. D'ailleurs, avant qu'une chose, disait Eliphas Lévi, nous plaise ou nous déplaise, il y a la vérité. Alors, que ça plaise ou que ça déplaise à certaines personnes, ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans les siècles à venir, nous allons avoir un mode de communication avec le réel qui sera religieux, c'est-à-dire qui nous permettra de nous relier, non pas par une médiation, mais directement à la chose. Alors, sans passer par ce que vous aimeriez appeler des formes, ou si vous voulez, des figures, ou des points fixes, ou des concepts au pluriel, on va entrer dans le concept, c'est-à-dire une espèce de destruction, si on veut, de tout ce qui extérieurement est opaque, pour devenir translucide, pour devenir perméable à la lumière de la réalité ou à la lumière de la chose. Mais pour ça, il faudra intégrer en soi peut-être une patience qui était semblable. Aujourd'hui, j'ai assisté à des exposés fantastiques à Sherbrooke, dont un sur le druidisme, où l'on disait justement que, bon, l'a peut-être pas dit, mais enfin, ça aurait pu être dit, qu'au niveau du druidisme, il y a une espèce de communion que le druide ou le celte voulait établir avec les choses qui l'entouraient. Ah, ça ne l'intéressait pas, lui, de savoir ce qu'un tel avait dit sur l'eau, un tel avait dit sur le feu, ce qu'un tel avait raconté sur la terre. Hein, ce n'étaient pas des gens qui lançaient des citations comme ça d'un auteur ou d'un autre. Non, ils allaient dans la nature, ils allaient à même la terre, hein, ils prenaient la terre, ils la respiraient, ils la touchaient, et là, ils avaient un contact. Bon. Évidemment, c'était un contact qui demandait de la patience. Le savoir druidique, ça, on le dit. Hein? Le savoir druidique s'est établi par une lente observation sur des millénaires. Bon. Ça ne s'est pas établi comme ça en lisant un livre. Alors, la patience du concept, à un certain niveau, c'est de se laisser infuser. Hein? Madame Françoise Godet-Smet disait, parfois dans son émission Sans détour, justement, hein, sans médiation, elle disait... ce n'est pas de la science infuse que je vous transmets, c'est de la science à infuser. Surtout quand tu as parlé des tisanes, elle disait ça. Mais je trouve que c'est très profond, cette histoire-là. C'est une science à infuser. On a trop tendance aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on veut des choses rapides, à penser en termes de science infuse, alors qu'on aurait plutôt pensé en termes de science à infuser et tranquillement se laisser infuser, se laisser pénétrer par l'immédiat de la chose. Et alors, on atteint quoi? On atteint une dissolution systématique des figures, des formes. Et tranquillement, on se laisse pénétrer dans toute une nouvelle façon de vivre avec les choses. Toute une nouvelle façon, si on veut, de vivre la vie. Et ça, c'est très important. Bon, avec le monde physique... On peut imaginer quelqu'un qui rentre en contact, en communion directement avec l'objet, la chose elle-même, comme la terre, l'eau, etc., dont vous parliez tout à l'heure, mais avec les plans hypersensibles ou ultrasensibles ou invisibles, comment vivre une communion sans passer par le concept? Prenons l'exemple de la réincarnation, le concept de la réincarnation, ou concept de la mort. Comment vivre, comment comprendre ou vivre cet état de mort de son vivant sans passer par le concept, sans se mettre une balle dans la tête. Donc. Par l'initiation. Ce que les anciens ont tous recherché, c'est l'initiation. Mais qu'est-ce que c'était que l'initiation? Bon, Platon l'a dit, c'est de séparer l'âme du corps, la mettre à part du corps. Mettre l'âme à part du corps, c'est quoi? C'est amener la mort. Bon. Alors, les anciens ont tous orienté leur vie autour et en fonction de l'initiation. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien qu'il y avait une seule chose sur la Terre qui était importante et une seule chose avec laquelle on était certain d'être confronté un jour, c'était la mort. Alors, ils se sont dit, tant qu'à être obligé, hein, condamné à mourir, hein, aussi bien savoir ce que c'est la mort, justement sans passer par des concepts, c'est-à-dire sans passer par ces histoires qu'on nous raconte ici et là sur la mort, parce que, bon, évidemment, ça dépend. Si vous lisez un sociologue sur la mort, si vous lisez un anthropologue sur la mort, si vous lisez un psychologue sur la mort, si vous lisez un ésotériste rosicrucien, un ésotériste martiniste, un ésotériste de ci ou de cela, ils vont tous vous apporter des concepts autour de la mort qui vont être teintés de leur propre personnalité, de leur propre capacité de conceptualiser les choses. Bon, et ça un véritable aspirant au mystère, il va se servir de ça, c'est sûr, ça va l'intéresser, ça va le soutenir, ça va créer un support à sa voyance, un support à son contact intérieur, comme la boule de cristal sert à faire un support avec les plans invisibles, mais ça sera jamais plus important tous ces enseignements sur la mort qu'une boule de cristal. Hein? Puis un jour, la boule de cristal, eh bien, on n'en a plus nécessairement besoin. Alors, les anciens avaient donc axé leur vie sur la capacité de vivre eux-mêmes sans avoir à créer, si on veut, l'inconscience du passage de la mort, vivre consciemment sans véritablement mourir, expérience de la mort. Et c'était l'initiation. Donc, il est absolument possible d'accéder à la réalité de la mort autrement que par un concept. Mais alors, il faudra être patient. Hein? Parce qu'on n'est pas nécessairement intronisé à l'initiation, c'est-à-dire à la mort organisée, on veut, rapidement, sans avoir passé à travers des étapes, sans avoir aussi appris à mourir. Parce que l'ancien, il savait très bien que pour être initié, il fallait qu'il soit initiable. Et quelqu'un qui est initiable, c'est quelqu'un qui est capable déjà, sur d'autres plans, c'est-à-dire sur des plans psychologiques, de mourir. Est-ce qu'on est capable, dans la vie de tous les jours, de mourir? Est-ce qu'on est capable, comme Saint Paul le disait, de mourir tous les jours? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on est capable, à chaque matin, lorsqu'on se lève, de mourir à l'ancien monde qui représente notre passé, qui représente notre journée antérieure, et s'ouvrir à une nouvelle réalité? Un nouveau monde, finalement. Laisser le monde nous apparaître dans une nouvelle phénoménalité. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de mourir à ces vieux concepts? Bon, c'est un peu comme ça que vous avez ouvert la soirée aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de mourir à ces vieux concepts, à ces vieilles idées, à ces vieilles pensées qui nous ont hantés, qui ont permis notre enterrement, finalement? Bon, si on n'est pas capable de faire ça, on ne sera pas initiable. Donc, tout est dans la praxis, tout est dans la mise en pratique de certaines choses. Alors, vous allez me dire, bon, évidemment, c'est peut-être bien de savoir un peu comment s'y prendre, d'avoir une certaine technique pour réaliser cela. Bon, je suis d'accord. Bon, cette technique-là, elle est utile, mais elle n'a de valeur que dans l'application. C'est-à-dire qu'une technique, bon, si on connaît, par exemple, tout un programme d'entraînement ésotérique qui permet éventuellement à l'homme de séparer son âme de son corps, par exemple, comme Platon l'enseignait. Cette doctrine-là, ou ce programme sotériologique, ou cette religion, elle n'a pas de valeur en soi. Ça n'a aucune valeur en soi, les écrits de Platon, les enseignements de nos écoles initiatiques. Aucune valeur si on ne les met pas en application. Et la seule valeur que ces enseignements auront, ce sera la valeur de nous initier dans le mouvement de la chose. Et ils prendront une valeur que dans la mesure où on l'expérimentera. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté en soi, c'est en soi sans valeur. Ça prendra une valeur en fonction de ce qu'on en fera bien. C'est ça qui est aussi l'erreur. Parce qu'on a pris ces textes, hein, puis on les a vénérés. On a pris ces enseignements, puis on les a mis sur un piédestal, plutôt que de réaliser que c'était de simples outils. C'est comme un marteau. Marteau, ça n'a aucune valeur en soi, marteau. Bon, vous allez dire, ça vaut 7 pièces 95, ou c'est peut-être augmenté. Mais c'est quoi, ça? Mais le marteau dans la main de l'ouvrier, par exemple, hein, ben il vaut que vous allez avoir votre maison à temps pour déménager le 1er juillet. C'est ça qu'il vaut. Alors il prend toute une dimension, il prend toute une force et il prend une valeur surnaturelle, qui est bien au-delà de sa nature de marteau, c'est-à-dire un bout de bois et un morceau de fer. Hein, mais il y a une valeur dans le fait qu'il sert à une expérience qui amènera la transcendance. Eh bien, tous les concepts qu'on a sur la mort n'ont de valeur que dans la mesure où ils nous permettent de mourir. Si on n'est pas capable de mourir avec ces enseignements, ce sont des enseignements qui non seulement sont sans valeur, mais sont tout à fait pernicieux. Et c'est pourquoi il y a eu tout ce mouvement contre les concepts. Parce que s'il y a une personne sur Terre qui a lutté contre les concepts cristallisés, c'est bien Madame Blavatsky. Vous connaissez, on a déjà parlé dans des conférences il y a très longtemps de la doctrine secrète, etc. Alors, Madame de Blavatsky, dans la revue, dans une revue dans laquelle elle publiait, à l'époque, avait écrit à un moment donné en parlant de la dogmatique chrétienne. Parce qu'il y a un thème qui a hanté sa vie, c'est le christianisme, et c'est surtout les dogmes chrétiens. Elle a voulu démolir les dogmes chrétiens, elle ne supportait pas les dogmes chrétiens. Et elle a écrit à un moment donné dans un livre, « Pour nous, théosophes, les prêtres sont toujours des êtres ou bien inutiles ou bien pernicieux. » C'est ça qu'elle voulait dire. Elle voulait parler des prêtres qui sont des espèces de médiation, hein, qui apportent un enseignement qui ne permet pas à la personne d'être transformée, mais qui apportent un espèce d'enseignement cristallisé comme ça, que l'on regarde comme ayant une valeur en soi, alors qu'il n'a qu'une valeur pour soi. Alors, c'est toute la différence, là, évidemment, je ne veux pas entrer trop dans la subtilité philosophique de ça, mais c'est toute la différence entre l'en soi et le pour soi. Et disons que les concepts, si on prend votre exemple de la mort, sur la mort, n'ont une valeur que pour soi. Elles n'ont pas une valeur en soi. Et c'est lorsque, intériorisés, ils deviennent un outil pour soi-même mourir consciemment, séparer son âme consciemment de son corps et vivre véritablement l'expérience de la désincarnation, bien là, ils ont une valeur en soi parce qu'ils sont rendus en soi. Est-ce que ça veut dire que les concepts sont des représentations de la réalité ou des espèces de caricatures? Prenons par exemple le concept de Dieu ou le concept du diable. Est-ce que ces concepts-là semblent-ils d'une même réalité polarisée ou est-ce que ce sont deux entités à part ou est-ce que c'est la même chose? Vous savez, les anciens avaient le dieu Janus, un dieu biface. Les Romains avaient le dieu Janus, mais c'était une... Ouais, on pourrait mettre un parallèle. Bon, il y avait le vieux visage puis le jeune visage. Ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que la fonction du concept, c'est de nous faire voir peut-être de façon plus accessible deux aspects, dans ce cas-là, d'une même chose? Ben, c'est évident que le langage mental... qu'on appelle conceptuel, intellectuel, etc., c'est un langage qui ne traduit pas du tout la réalité. Parce que, justement, c'est un langage qui est polarisé et qui, dans la patience du concept, il y a une dissolution absolue des contradictions. Alors, le fait d'avoir en face de soi une contradiction, comme celle de Dieu et diable, eh bien, il faut faire quand même attention lorsqu'on dit que les anciens ont apporté des concepts comme ça. Le concept de Janus des Romains, c'était pas ça. C'était lié au solstice, c'était lié à deux portes, à la porte du ciel puis à la porte des hommes. C'était un petit peu différent. C'était surtout au niveau de l'initiation de la ritualité que Janus intervenait. Mais le concept de Dieu et diable, c'est intéressant parce qu'il est contradictoire. Mais il n'est pas véritablement contradictoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une contradiction irréductible entre les mauvais puis les bons. Par exemple, dans le christianisme, il y a une doctrine amenée par Origène qui dit que même les êtres mauvais, il n'y a pas un seul être mauvais qui ne sera pas, après plusieurs créations, dit-il, s'il le faut, réintégré dans le bon. Alors, chez Origène, chez les pères de l'Église, dans toute la tradition chrétienne donc, qui est nôtre, il n'y a pas une irréductibilité entre Dieu et diable. Il y en a eu une dans le manichéisme. Alors, le manichéisme est une doctrine qui conçoit la réalité de l'existence d'un principe du bien puis d'un principe du mal. Il y a eu beaucoup d'anciens qui se sont laissés prendre dans ça. Saint Augustin, par exemple. Saint Augustin a été manichéen jusqu'à ce qu'il soit consacré évêque qui sortent de l'hérésie puis qui se convertissent. Et c'est pourquoi il a lutté par la suite et beaucoup de personnes dans la tradition contemporaine occidentale ont lutté contre ce concept manichéen. Par contre, malheureusement, dans notre homme du 20e siècle, dans la pensée de l'homme du 20e siècle, le manichéisme est comme revenu par la porte d'en arrière. Il ne faut pas penser que ça nous vient des anciens, en tout cas pas chez le christianisme. Ça a été une lutte affreuse contre la conception manichéenne. Mais on le retrouve dans notre tradition, disons, plus moderne, ce concept qui refait surface. Et alors, on croit qu'il y a un être mauvais qui est éternellement mauvais et damné, un être bon, éternellement bon, et qui est élu, qui est Dieu. Mais ça, c'est un concept qui, d'ailleurs, aura des conséquences affreuses sur l'humanité, puisqu'on se retrouvera à un moment donné en se disant « Oui, mais ça veut donc dire que s'il y a une polarisation en haut, il va en avoir une en bas. Donc, il y a des élus, puis il y a des damnés, puis il y a l'enfer, puis il y a le paradis. » Bon, à partir de ça, on a fait un peu de paranoïa. On s'est un petit peu focalisé uniquement sur la contradiction, sur la polarisation. Et puis, on s'est coupé du lien... Comme le disait Madame André, du lien direct avec la chose, parce que là, on passe par une espèce... On n'a plus contact avec le Dieu intérieur qui parle, on a contact par des médiations qui sont des espèces d'images, de créations mentales, qui sont simplement l'effet de la lumière qui passe à travers le mental. Comme le mental, il est structuré pour permettre à l'homme d'avoir un schéma de conséquentialité, un schéma... De A qui va vers B, ainsi de suite, eh bien, dès que la lumière est passée, une lumière qui était unitaire, qui était unique, qui était universelle, dans le vrai sens du terme, lorsqu'elle est passée à travers la lentille du mental, hop, elle a été polarisée. Et puis on a dit, tiens, il existe un bon Dieu et puis un mauvais diable. Ben ça, c'est une illusion de la pensée que le concept, tranquillement, nous permet de dépasser, de transcender, pour éventuellement réaliser que le mal... n'existe pas plus que le négatif, que le diable, que le bon, finalement. Et que bien et mal sont une facette d'une même réalité, ce qui ne nous empêche pas de faire le bien. C'est-à-dire ce qui ne nous empêche pas d'agir selon une ligne de pensée que l'on justifie pour soi et qui a une valeur pour soi, pas nécessairement pour les autres. Et alors, dans la tolérance et dans la patience du concept qui aussi signifie un respect profond de l'allégeance de celui qui est à côté, qui lui peut-être va se dire qu'il y a un diable puis qu'il va lutter contre ou qu'il y a un Dieu qui va travailler pour, il faut être capable de regarder cette personne, de dire, bon, ben, elle fait ce qu'elle a à faire, elle est à son niveau de conscience, puis c'est très bien, mais pouvoir réaliser à un moment donné qu'il va y avoir un jour une transcendance. Je ne vous dis pas que maintenant, il n'y a pas des choses mal, des choses bien. Je suis personnellement convaincu qu'aujourd'hui, il y a le mal puis il y a le bien. Mais ce que je dis, c'est que tôt ou tard, la distinction entre les deux va être abolie. C'est-à-dire que tôt ou tard, on va entrer dans l'universalité de la chose et alors on va se rendre compte que c'était en fait des étapes. Hein, et que c'était, si on veut, l'étalement dans le temps de la réalité qui a fait qu'il y a eu un décalage. Mais que au moment où on est capable d'accéder à quelque chose de plus que ces limitations très rigoureuses du temps, eh bien, on pénètre, on entre dans... C'est une profondeur d'esprit où là, la contradiction ne peut pas demeurer, ne peut pas persister. Comment expliquez-vous en ce moment que la majorité des discours que fait le pape depuis quelques mois sont tous axés sur la réalité de Satan, de son existence, mise en garde, et aussi sur la polarisation des anges, des bons et des mauvais anges? C'est intéressant parce que j'ai un livre qui va sortir un jour sur les anges, justement. Puis on me disait ça, que le Saint-Père se faisait des déclarations sur le sujet. Je ne les ai pas personnellement lues. C'est intéressant parce que l'Église, pendant très longtemps, a oublié l'existence du mal. C'est-à-dire qu'elle a fait un peu le contraire de ce qu'elle avait fait autrefois. Bon, elle était très dogmatique et très sectaire. Et avec Vatican II, elle est devenue très écuménique au point où elle a abandonné ses principes au profit des autres confessions qui étaient autour. De telle sorte que tout était bien, parce que le danger, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que c'est au niveau supramental, c'est-à-dire au-delà du mental, que le bien et le mal coïncident. Mais sur notre plan ici, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un peu comme au-dessus des nuages où il y a toujours du soleil quand on passe en avion. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'il y a toujours du soleil au-dessus des nuages qu'il faut dire qu'il fait toujours beau en bas. Bon, ça c'est très grave aussi parce qu'on peut tomber dans le relativisme. L'Église est tombée dans le relativisme et il y a eu des déclarations qui sont passées ou qui ont été plus ou moins cachées de certains papes, notamment de Paul VI, qui, à un moment donné, a comme prophétisé que Satan était entré dans l'Église. On a eu tout le mouvement de Marcel Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, qui s'est séparé et qui écrit maintenant dans ses brochures que le pape, en quelque sorte, est un peu du côté de Satan, hein? que Satan est assis sur la chaire de Saint-Pierre, etc. Bon, ce n'est pas exactement les termes qu'il utilise nécessairement, mais c'est ce qu'il veut tranquillement essayer de présenter avec tout ça, en conciliant son obéissance au pape, etc. Mais c'est intéressant de voir que là, actuellement, on est en train de viser ses positions et puis de réaliser que oui, en effet, il y a Satan et peut-être que Satan n'est pas très loin de la coupole de Saint-Pierre. Bon, c'est un peu ça qu'on est en train de remettre en question. Bon, qu'est-ce que c'est que Satan et tout le principe du mal? C'est le principe de la division. Bon. C'est très simple à comprendre. L'Église a été, durant sa phase d'expansion dans l'ère des poissons, elle a été un lieu d'unité des chrétiens. Tous étaient unis à Rome. Et la coupole de Rome envoûtait, hein, c'était pas une voûte pour rien, envoûtait toute la planète. Et les chrétiens étaient vraiment dans une unité, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient autour d'une même chose, un rituel qui était le même partout en latin. Un peu comme l'islam est en train de le faire aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, l'Église a commencé à laisser s'introduire le principe de la division. Langue vernaculaire dans les rituels, chaque prêtre fait ce qu'il veut un peu dans sa paroisse, paroisse qui confesse publiquement, d'autres qui ne veulent pas, bon, ainsi de suite. Tranquillement, le principe de la division s'est infiltré et actuellement, on peut dire à ce niveau-là que Satan est très bien installé sur la chaire de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'il y a une division fondamentale des chrétiens. Il y en a qui gueulent pour l'ordination des femmes, il y en a qui gueulent pour le mariage des prêtres, un autre c'est pour une autre chose, un autre pour une autre chose. Et chacun pense qu'il peut avoir l'autorité d'imposer sa propre volonté. Ce qui fait que l'Église est profondément divisée. Et ça, on le voit dans les familles qui sont très profondément catholiques romaines. Et tout à coup, parce que moi, je le vis dans ma famille actuellement, personnellement, je ne pratique pas le catholicisme romain, mais mes parents et ma sœur pratiquent le catholicisme romain. Et dernièrement, en fait, la semaine passée, ils sont revenus de l'Église, ma mère surtout, qui est une femme quand même qui a été élevée de façon très, très rigoureuse dans le catholicisme. Et pour elle, si on va hors de l'Église catholique romaine, point de salut. Hein, elle est revenue dimanche dernier, enragée, littéralement, hein, et scandalisée. Ce n'est pas la première fois que, mais là, c'était très fort, scandalisé parce que le prêtre avait dit à l'homélie, parce qu'elle s'est élevée, parce que, évidemment, il faut comprendre, hein, elle a un concept de la pratique religieuse où c'est impossible de manquer la messe, sauf en cas de maladie grave. Il y a des dimanches matin que ça ne lui tente pas de la messe. C'était le cas dimanche passé. Elle s'est quand même levée pour aller à la messe de 8h30, en faisant un effort et en pensant être sauvée. En allant au ciel parce qu'elle respecte les commandements de l'Église. Or, le prêtre, durant l'homélie, a dit que les gens qui ne venaient pas à la messe étaient tout aussi sauvés que ceux qui venaient. Hein? Et ça fait deux ou trois fois qu'elle va à des paroisses différentes, là, c'était dans la nôtre, c'était pire, qu'elle va dans des paroisses différentes, et où le prêtre dit ça, hein, que tous sont sauvés de toute façon, que la miséricorde du Seigneur est sans borne, et laisse même sous-entendre que ceux qui ne sont pas à la messe sont peut-être ceux qui sont les plus brillants. Alors, elle est revenue en l'ayant pris comme ça et en se disant, bon, ben, coudonc, moi, j'ai été folle le matin de me lever, hein, de me dépêcher à déjeuner puis d'aller à la messe. Alors, vous voyez que tranquillement, dans le catholicisme romain, il se crée une insatisfaction profonde. Le sacré, bon, on n'en parle plus, il est évacué. La magie, évacuée totalement. Et même ce qui, encore, pouvait permettre à des gens qui ont besoin de cette sécurité, d'avoir la sécurité du salut, comme par exemple, tu viens à l'Église tous les dimanches, tu vas être sauvé, ce qui est nécessaire pour certaines personnes, ça même, ça s'en va. Donc, l'Église, en quelque sorte, si on se permet l'expression, s'en va chez le diable. Et le fait qu'elle s'en aille chez le diable, eh bien, peut-être que ça fait réaliser aux hautes autorités qui ont quand même une clairvoyance, parce que Jean-Paul II, particulièrement, est l'un des papes modernes qui a le plus de clairvoyance, c'est-à-dire le plus de développement spirituel. Jean-Paul II a très bien senti, sûrement, que ce principe de division était installé dans l'épiscopat, était installé dans l'Église, et que cette idée que le mal n'existe pas, que de toute façon, vous le faites ou vous le faites pas, ça va être bien, parce que là, finalement, aller à la messe ou pas y aller, c'est plus, ça n'a plus vraiment d'importance. Alors, tranquillement, comme ça, cette relativisation est en train de tout détruire. Alors, c'est pourquoi... Il va sûrement y avoir un discours qui va ramener le balancier sur l'autre côté en disant, mais écoutez, il y a encore des forces du mal. Aller à la messe le dimanche, c'est encore important. Bon, ils vont réaffirmer sûrement une partie de la dogmatique fondamentale qui n'est pas là pour satisfaire le curé qui ramasse à la quête, mais qui est là pour satisfaire des gens qui ont besoin du cadre conceptuel de l'Église pour continuer à survivre. Parce que... On peut toujours se dire qu'on est libéré, qu'on n'a pas besoin de ceci ou qu'on n'a pas besoin de cela, mais pensons un peu aux autres. Hein? Parce que si nous, on est suffisamment évolué, ben, tant mieux. Hein? Mais il y a encore des gens sur la Terre qui n'ont pas l'évolution nécessaire. Puis là, dire ça, c'est une prétention inouïe, mais qui n'ont pas l'évolution encore nécessaire pour être capable de supporter le concept. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de supporter la vie sans ces formes qui sécurisent. Il arrive justement que les concepts... Est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait pas plus intérêt à prendre les concepts avec un grain de sel, justement dans le sens que si on les prend à la lettre, on tombe dans le fanatisme et on fait à ce moment-là le jeu de la division? À un niveau très élevé, je répondrai à votre question par oui. Mais à un niveau qui nous concerne, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement vrai, ça. C'est-à-dire que ce que vous appelez le fanatisme, ce n'est pas nécessairement négatif. Nous, on regarde ça avec notre belle conscience supramentale, puis on se dit, mon Dieu, que les hommes devraient s'aimer. Hein? Mais si on respectait le commandement, aimez-vous les uns les autres, à ce moment-là, les concepts ne pourraient pas s'affronter. Ils ne pourraient pas s'affronter, d'accord, mais avant d'arriver là, il faut passer par l'affrontement. Puis c'est dans cet affrontement-là qu'on obtient une certaine solidité. C'est-à-dire qu'on obtient la capacité de se tenir debout par soi-même. La consistance. Ah oui. Sinon, qu'est-ce qui arrive? On est comme dans une espèce de bulle aseptisée. Si tout le monde s'entend, si tout va très bien, bon, ben, ça en est fini de la Terre. Hein? Désincarnons la Terre, pas seulement les hommes. Désincarnons la Terre, puis faisons autre chose. Bon, la Terre est une école où l'opposition est importante. C'est pas pour rien qu'en bas du mental et à partir du mental, les choses sont opposées. Bon. Nous, du haut de notre chair, on va dire, il ne faut pas que les choses soient opposées. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si les choses sont opposées, si le mental polarise la réalité, si on a fait couler le sang pour l'amour, hein, pour une religion d'amour, ben, ce n'est pas uniquement une bêtise qui n'a rien servi. C'est quelque chose qui a permis, à travers l'expérience du fanatisme et de l'adhésion à un concept que l'on a défendu, c'est quelque chose qui a permis... le développement et l'éveil en soi d'une certaine force, d'une certaine organisation interne qui va permettre justement éventuellement de transcender cette réalité. Le danger, c'est ceci. C'est lorsqu'on est à l'université, de dire, d'avoir appris à écrire, hein, puis d'avoir des phrases, je me souviens encore, hein, Guy court vite au jardin, René joue avec son ballon. On avait des phrases comme ça, c'était le début de la méthode Sablier, qu'il fallait apprendre par cœur. Eh bien, maintenant que je suis à l'université, est-ce que j'ai le droit de dire, avoir appris René joue avec son ballon, hein, puis Guy court vite au jardin, c'était mauvais? Hein, ou d'avoir passé des soirées, puis ça, c'est une chose que j'ai détestée, à apprendre les tables de multiplication. Est-ce que je peux dire maintenant, parce que j'ai une calculatrice, puis parce que, bon... Que les heures pénibles que j'ai passées à apprendre les tables de multiplication, c'était négatif? Pas du tout. Ça a contribué. Et c'est à partir de ça qu'aujourd'hui, je peux dire, bon, ben prenons une calculatrice, ça va aller plus vite. Ou bien j'ai un calcul rapide, je peux le faire. Ben, c'est un peu ça. Le fanatisme, c'est un peu ça. Les étapes qui ne sont pas si antérieures que ça, hein, mais des étapes qu'on a franchies au cours de notre évolution. On ne peut pas aujourd'hui mettre un X dessus en disant, mon Dieu, que c'était donc horrible. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est, au niveau où j'en suis maintenant, est-ce que je suis capable d'aller un peu plus loin? Est-ce que je suis capable de regarder mes comportements fanatiques et puis prendre une distance par rapport à ces comportements fanatiques? Parce qu'on en a tous des comportements fanatiques, même les êtres les plus libérés, hein, dit-elle, ce sont des gens qui sont très fanatiques dans le fond. Ils sont très fanatiques de leur méthode, ils sont très fanatiques de leur façon de voir les choses, ils sont très fanatiques de leur façon d'administrer les choses, et avec des schémas plus ou moins subtils, eh bien, ils expriment très fortement autour d'eux ce fanatisme. Alors, on est tous fanatiques. Moi, je ne connais aucun homme sur la planète qui n'est pas profondément fanatique en lui-même, c'est-à-dire qui n'a pas profondément une défense de quelque chose. Et comme je le disais la semaine dernière, plus on dit qu'on ne défend rien, plus on en défend finalement quelque chose. Bon, alors, ce fanatisme intégral en l'homme, il s'exprime ou bien par la bêtise, des armes de façon très grossière, ou alors il s'exprime de façon très, très subtile en ayant l'air du contraire. Ce qui est important, c'est en l'homme, pas d'éliminer le fanatisme, c'est de voir dans sa propre action ce qui est fanatique, puis discerner dans ce qui est le plus subtil, puis dans ce qui montre plus le contraire, justement, cette chose. Alors, c'est ce que le pape veut essayer de signifier en disant, « Mais écoutez, mes chers évêques, vous pensez que vous êtes dans la voie de la lumière, hein, mais c'est justement dans cette subtilité où vous pensez servir le bel écuménisme du Christ, c'est justement là que vous servez le diable. » C'est essayer de comprendre à l'intérieur de vous-même qu'il y a en vous les bons anges puis les mauvais anges, puis essayer de prendre une distance par rapport aux mauvais anges. Pas les nier, pas dire que ça n'existe pas. Alors, c'est un peu la même chose au niveau du fanatisme. Il ne s'agit pas de dire « le fanatisme, ce n'est pas pour moi » ou « ça n'existe pas » ou « ça ne devrait pas exister ». C'est là, en tant qu'on sera en tout cas dans le type d'univers où on se trouve actuellement, ce qui est important, c'est d'être en mesure de prendre une distance par rapport à cette réalité, puis se dire, bon, ben ça va à tel endroit, ça va à tel endroit. Maintenant, dans mes comportements, quelle doit être la distance que j'ai à prendre par rapport à cela et comment je dois me servir de cette force? Parce que le diable, il faut s'en servir. Ça veut dire que nos tâtonnements, nos errances, nos essais, nos chutes, notre fanatisme et tout ça, nos erreurs, sont là pour être conscientisés. Sont là pour que la conscientisation s'opère. Pas nécessairement pour que l'erreur elle-même soit conscientisée, mais pour que l'homme se conscientise à travers, justement, cette expérience de dualité. Regardez, quand un être dans une galaxie, dans un système solaire comme le nôtre, devient un homme, ça ne veut pas dire qu'il y a des yeux, un nez, une bouche, deux bras, deux jambes, un tronc. Hein? C'est pas du tout ça que ça veut dire. Parce qu'une entité dans un système d'évolution comme le nôtre devient un homme, ça veut dire qu'il devient conscient justement de la polarité. Lorsque, dans les temps lointains, ceux qu'on appelle les archanges, les anges, les éons, les archontes, etc., sont devenus des êtres humains, c'est-à-dire ont atteint une conscience humaine, c'est par des expériences semblables. Certains, par exemple, ont acquis la conscience humaine par le fait qu'ils ont pris de la substance qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes et l'ont envoyé vers l'extérieur, puis dans un mouvement contraire, l'ont ramené. C'est-à-dire qu'ils ont opéré une espèce de respiration. Puis c'est dans cette expérience intériorité, extériorité, alors qu'ils n'avaient pas du tout une forme humaine, pardon, mais qu'il y avait une forme qui serait difforme dans nos schémas, eh bien, c'est le simple fait d'avoir cette respiration, d'envoyer vers l'extérieur, vers l'intérieur, ça crée un mouvement de dissociation, un mouvement de polarisation, et hop, la conscience est apparue à ces êtres qui se sont dit « Ah, j'ai un extérieur et un intérieur ». Ils ont commencé à acquérir une conscience de soi, une conscience qu'ils étaient conscients, ainsi de suite. Eh bien, c'est ça, être un homme. Eh bien, le fait d'être un homme est donc lié à la notion de discernement, hein, est donc lié au fait qu'on a mangé de l'arbre du bien et du mal, puis tout à coup, on s'est dit « Tiens, on est tout nu ». C'est-à-dire qu'on a réalisé un extérieur et un intérieur et une espèce de dissociation de ça. Lorsqu'on parle de la dissolution absolue de la contradiction, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on n'est plus un homme, on est un surhomme. On est passé dans le degré supérieur d'évolution qui est le degré de surhomme. Mais ce n'est pas la peine, lorsque on veut passer dans le degré de surhomme, de nier sa propre humanité. Et le fait que l'on soit partie intégrante de l'humanité, ben c'est tout à fait lié au fait qu'on est capable de discerner entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, dans cette expérience de la polarité. Et c'est grâce à ça qu'on devient un être qui a une soi-conscience. Avant, on n'avait pas de soi-conscience, on était. Maintenant, on peut dire « je suis ». On peut affirmer quelque chose. Il s'est produit, autrement dit, un renversement fantastique qui fait qu'on n'est plus la totalité, hein, seulement. On est la totalité, puis une partie aussi. Puis on est conscient d'être à la fois cette partie et cette totalité. Bon, l'expérience de la dualité fondamentale. Ça, c'est d'être un être humain. Alors, vouloir nier la contradiction, comme on le faisait tout à l'heure, ça peut donc être d'une certaine manière une erreur. Vouloir, de façon plus psychologique, comme vous venez de le faire, nier ses erreurs, ne pas vouloir reconnaître la haute valeur du péché, hein, eh bien, c'est de ne pas comprendre ce qu'est l'expérience humaine. Car si, j'avais écrit ça pour un journal de Ted Friedman's, à la suite, j'avais été à une messe à Coleraine. Il y avait un prêtre là qui avait dit, qui parlait de tous les bienfaits que Dieu nous avait donnés, que le bon Dieu nous avait donnés, entre autres le discernement. Alors j'avais écrit un article, évidemment parce qu'on ne peut pas se lever dans l'église devant le sermon puis contester. Alors je m'étais dessus à ce moment-là avec beaucoup de difficultés, par exemple. Et j'avais écrit un article qui n'a jamais été publié, évidemment, la censure, dans lequel je disais, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et à Lucifer ce qui est à Lucifer. Parce que le discernement, ce n'est pas le bon Dieu qui nous l'a donné, c'est Lucifer. C'est tout à fait juste. Alors, vouloir condamner l'erreur, vouloir condamner le péché. D'ailleurs, il y a des saints pères de l'Église qui ont dit « Béni soit le péché hein? ». On lirait ça aujourd'hui, on aurait des frissons sur tout le corps, mais ils avaient raison dans le sens où la chute, vous avez employé le terme de chute tout à l'heure, c'est quelque chose de fantastique. Parce que par cette chute, par ce péché, par cette déviation des lois cosmiques, eh bien, aujourd'hui, on sait qu'il y a des lois cosmiques. Alors qu'autrefois, on ne savait pas. Autrement dit, autrefois, on était innocent, la belle innocence. Mais la belle innocence, c'est une belle innocence. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est développer la vertu. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est savoir que l'on est dans une voie ou qu'on est dans l'autre. Alors pour ça, il faut faire des erreurs. Donc l'erreur est d'une certaine manière plus importante que l'innocence parce qu'elle conduit vers un travail intérieur qui est un travail alchimique de reconstitution de la nature lumineuse, intelligente ou divine de l'homme. Alors ça, c'est un travail très, très, très important, la conscientisation du rôle de l'erreur dans sa vie. Et alors, on ne se culpabilise pas parce qu'on a fait des erreurs. On ne se culpabilise pas parce qu'on a chuté. On ne se culpabilise pas parce qu'on s'est trompé. On ne se culpabilise pas parce qu'autrefois, on a fait des choses qui aujourd'hui nous semblent absurdes. Là, on se dit, c'est merveilleux que je me sois fait avoir par une secte pendant 5 ans. Hein, puis j'ai agité mes grelots, puis j'ai vendu ceci ou cela, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de comprendre d'abord les gens qui agitent leurs grelots, puis ensuite de réaliser ce qu'est le phénomène d'une secte, ce qu'est le phénomène d'un endoctrinement, d'un lavage de cerveau, ainsi de suite. Donc, la personne dans son curriculum vitae ne devrait pas cacher le fait qu'elle a agité des grelots pendant 5 ans, mais devrait mettre ça comme premier point en disant, mais voilà, j'ai fait... C'est un peu ce que d'ailleurs... certains motivologues, certains conférenciers vont faire en disant, c'est tout le mouvement un petit peu à senteur néo-chrétienne là, qui fait des témoignages hein, où les gens viennent dire que, bon, ils étaient ivrognes, ils étaient drogués, ainsi de suite. Puis là, tout à coup, ils sont passés à travers. Puis... ces gens-là viennent pas dire qu'ils étaient drogués, qu'ils étaient ivrognes, qu'ils ont fait telle et telle chose dans leur vie passée. Ils se cachent pas, ils se mettent pas un drap sur la tête, hein, comme certains ésotéristes cachent leur identité. Ils ont pas peur de se montrer, de montrer leur faiblesse, de montrer leur corps animal, hein, et puis de dire, bon, mais je suis passé à travers ça, mais regardez maintenant, parce que je suis passé à travers ça, je suis rendu à tel niveau. Les gens qui suivent certaines de mes conférences, il y a un très haut pourcentage de personnes qui se sont droguées. Bon, autrefois, personnellement, je prends des positions très fermes contre l'usage de la drogue, mais pas contre eux autres. Hein, puis je suis tout à fait heureux de travailler avec des gens qui ont passé à travers cette expérience-là parce qu'ils en ont tiré une leçon qui est fantastique. Donc, les erreurs sont en quelque sorte les plus beaux trophées d'un curriculum vitae. Alors que les bonnes choses, très souvent, bon, c'était des choses qui ont été faciles d'abord, qui étaient déjà acquises et qui sont liées à des circonstances, ainsi de suite. Alors qu'une difficulté, c'est toujours une épreuve. Et c'est là qu'on trouve l'épreuve de la volonté et de la force d'un individu. Alors pour moi, il faut non seulement ne pas condamner l'erreur, mais il faut en voir toute la bénédiction, tout l'aspect positif, l'aspect fantastique et ce que ça apporte à l'intérieur d'un individu. La redéfinition des concepts doit donc respecter, il me semble nécessairement, le rythme d'intégration des concepts précédents dans une civilisation. Aujourd'hui, on nous dit partout, autant chez les chrétiens que chez les musulmans, chez les hindous, qu'on entre dans une ère messianique. Autrement dit, qu'il va y avoir un envoyé, dans chacune des religions se réclame un messie, qui va apporter certainement de nouveaux éclaircissements sur les anciens concepts, qui va redéfinir la loi, etc. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'on en est arrivé à ce point de maturité où les anciens concepts ont été intégrés? Bon, d'abord, je ne sais pas qui vous a dit ça, que le messie s'en venait. Il me semble que les musulmans attendent le Mahdi. Les hindous attendent le Kalki Avatar. Dans l'Apocalypse de Jean, on attend également le cavalier blanc, etc. Ouais. Sur les portes des églises, le Christ revient. Il est déjà parmi nous, etc. Et toute la littérature aussi. Ah, il n'est pas parti, de toute façon. Bon, OK. Alors, problème, ça, c'est... Mais toute la littérature est messianique aujourd'hui ou apocalyptique. Ouais, elle est messianique aujourd'hui, mais elle était messianique il y a 1000 ans, elle était messianique il y a 2000 ans, elle était messianique il y a 3000 ans. Regardez toute l'histoire du peuple hébreu, c'est seulement une histoire où ils attendent le Messie. Hein, il arrive, puis il ne le voit pas. Bon, évidemment, le christianisme a son Messie. Non, ça ne suffit pas. Hein, ils en attendent un autre. Bon. Plutôt pas un autre, mais ils attendent une autre fois qu'ils reviennent, ainsi de suite. Donc, évidemment, on est soi-même, en tant qu'individu, de tendance messianique parce qu'on a une faiblesse ontologique. C'est-à-dire qu'on a une faiblesse intérieure qui ne nous permet pas d'être soi-même notre messie. Autrefois, dans l'initiation, quand la personne souffrait sur le bois de Sycomore, en Égypte ancienne, et que les adeptes étaient tout autour, et qu'elle demandait de l'aide, hein, eh bien, les gens autour lui disaient « Sauve-toi toi-même si tu es le Christ. » Évidemment, l'équivalent, si tu es Kérisécheta, chez les Égyptiens. Dans les initiations chrétiennes, on fait encore la même chose. Personne n'est dans les difficultés, elle a des problèmes, ainsi de suite. Son initiateur va lui dire « Sauve-toi toi-même si tu es le Christ. » Bon. Ben ça, c'est une chose qui est très importante de se faire dire à un moment donné, au moins une fois dans sa vie, hein, « Sauve-toi toi-même. » Donc, tous ces gens-là, principalement religieux, seraient donc dans une illusion, dans cette attente? Non, ils ne sont pas du tout dans une illusion. C'est-à-dire que, moi, je peux prendre un exemple, un exemple tiré de ce que vous venez de dire, celui que je connais le mieux, le christianisme, gens qui attendent le retour du Christ, ils n'ont pas tort d'attendre le retour du Christ, car dans les siècles qui viennent, le Christ va revenir exactement comme ils l'attendent. Le problème, c'est qu'ils l'attendent comme un Messie qui va faire une chose à leur place. Ils n'ont pas lu les textes du christianisme qui disent qu'on rencontrera le Christ dans les airs. Ça ne veut pas dire, bon, évidemment, on peut toujours s'en sauver en disant on va y aller en Boeing ou en soucoupe volante ou ainsi de suite. On est dans les airs. On est loin encore d'être dans les airs, premièrement, et ensuite qu'on sera semblable à lui. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que Christ reviendra, ou n'importe quel Messie apparaîtra, que ce soit le Messie des Juifs ou n'importe quoi, lorsque l'homme sera lui-même rendu à ce niveau-là. Où ça? Dans les airs, flyer? Oui, un petit peu par rapport à ce qu'on est. Ça veut dire quoi? Il va revenir dans les airs. Ça veut dire anormal et flambou. Vous demanderez ça à Bernard de Valleyfield. C'est-à-dire, lorsqu'on arrivera à être au-delà de ce qu'aujourd'hui on entend par l'état faible d'attente par rapport à un Messie libérateur. Vous posez la question, si on est dans une ère messianique ou en attente d'un Messie, est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à changer nos concepts? C'est pas du tout. C'est le contraire, ça veut dire. Ça veut dire qu'on est attaché à des vieux concepts puis qu'on aimerait bien un jour que quelqu'un vienne miraculeusement, dans une théophanie, nous les arracher puis nous apporter quelque chose d'autre. C'est pas comme ça que ça va se passer, c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'homme est né avec l'ordre de devenir Dieu, comme disait Saint Grégoire de Nice, il est né avec l'ordre de se christifier, de se transformer, et c'est lui qui est le Messie. Messie, Messie, dit Mgr Schaffner. Ben c'est lui qui est le Messie, c'est-à-dire c'est lui qui doit transformer vraiment tout son être et devenir cette espèce de Dieu qui l'attend. Pas d'une manière extérieure comme le prétendait Sigmund Freud en disant, autrefois l'homme a projeté dans des dieux des capacités supérieures. Maintenant qu'il a le microscope, dit-il, le télescope, ainsi de suite, il est presque devenu Dieu. Pas sur un plan extérieur instrumentaliste, mais sur un plan intérieur, justement, dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce nouveau degré de conscience. Mais il y a une chose certaine, et Angelus Silesius le disait très bien, Le Christ serait né 1000 fois à Bethléem, hein? La croix aurait été montée sur le calvaire 1000 fois. Si le Christ ne naît pas en toi, si la croix du calvaire n'est pas montée en toi, tout cela est perdu. Alors, que le Messie vienne ou qu'il revienne, ça n'a pas d'importance si l'homme n'est pas lui-même devenu Christ. Et c'est pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu le Messie. Parce que les Juifs ce n'était pas dans leur plan d'avoir la conscience christique ou supramentale. Dans leur plan, c'était de développer la conscience mentale. Alors, ils n'ont pas vu le Christ qui en était passé. Alors, que tous les messies reviennent ensemble, que tous les viracochas de l'univers reviennent, ça ne changera rien si l'homme n'a pas atteint ce degré. C'est comme l'homme qui rencontre un initié. Il n'en saura rien si c'est un initié, tant que lui-même ne sera pas initié. C'est-à-dire, tant que lui-même n'aura pas la force de voir chez l'autre une capacité qu'il a lui-même développée en lui. Donc, l'attente messianique est seulement une preuve de la paresse de l'homme à vouloir se transformer et à travailler à son propre avènement. Et lorsque l'homme cessera d'avoir ce complexe du Messie, lorsque l'homme sera en mesure d'entrer véritablement dans le travail de sa transformation, eh bien là, le Messie arrivera, parce que c'est lui-même qui s'étant transmuté ou réharmonisé ou réorganisé suivant un nouveau schéma, va être justement dans ses concepts nouveaux. On ne viendra pas le tirer de ses concepts nouveaux, ça n'existe pas, sauf dans la tête de quelques farfelus qui attendent que les soucoupes volantes viennent les enlever. Bon. Ça, c'est le complexe du Messie poussé à son summum de réalisation. Hein. C'est la bêtise religieuse poussée à son summum de la réalisation jusqu'au point où on fonde, comme ça a été fait au Québec. Alors, la première église de Satan a été fondée en Californie, mais on n'a rien à leur envier puisque la première église athée a été fondée au Québec. Alors, il y a une église athée que vous connaissez. Et puis, dans cette église athée, on a poussé au maximum ce concept de complexe de messie des religions, qui est le concept négatif de la religion, pour dire, ben, en fait, à un moment donné, on va être sauvés. Ils vont venir nous chercher. Ils vont venir nous chercher de notre condition de minable. Ils vont nous amener dans un univers où coule le lait et le miel. Ça, c'est la bêtise la plus fantastique que l'homme a pu réaliser en lui, parce qu'il n'a pas du tout compris que c'est lui-même qui doit construire cette terre nouvelle, c'est lui-même qui doit construire ce paradis rêve, c'est lui-même qui doit s'introduire dans cet univers en se faisant Dieu, et non pas en attendant que quelqu'un lui donne le titre de Dieu. Et ça, on le vit à tous les jours. Hein. Les gens attendent d'obtenir le titre de ceci ou le titre de cela. Ils sont en attente d'un diplôme, d'un titre qui leur serait conféré, plutôt que de se mettre à l'œuvre. Ils s'attendent quoi, finalement? Ils attendent la reconnaissance. C'est ça, le problème. On attend d'être reconnu. Alors, on s'assoit, puis on peut être assis pendant longtemps, évidemment, en attendant d'être reconnu. C'est pas ça. Il s'agit de passer à l'action, de s'imposer dans le travail qui est à faire, puis de ne pas attendre qu'on nous mette une couronne sur la tête ou un titre dans le cou, ou un médaillon dans le cou. Alors, ça c'est très, très... c'est très, très important, ce type de réflexion-là. Bon, je suis un petit peu sarcastique. Je sais que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je suis sarcastique un peu. Mais c'est quand même une très bonne illustration, je pense, que je viens de donner, outre le fait que ça piquera peut-être malheureusement certaines personnes, mais tant mieux si ça les pique un peu. Le fait, justement, qu'il ne faut pas attendre d'être sauvé, mais qu'il faut se sauver soi-même. Ça, c'est un principe, très fort, et ça enlève toutes les tendances à la gourologie, à tous ces mouvements où on se cherche vraiment quelqu'un qui va nous sortir du pétrin, hein, plutôt que de se lever, hein, puis de prendre ses propres jambes, hein, puis de marcher. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, je vous laisse parler après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, prends ton grabat et marche. Ben, si quelqu'un vous dit, prends ton grabat et marche, puis vous attendez qu'il vous lève, ça ne marchera pas. Il n'y a jamais personne qui marchera à notre place. Personne qui va marcher à sa place, il n'y a personne qui va prendre son grabat non plus. Hein, puis ce gars-là, à part de ça, qui était paralysé depuis des années, hein, on ne lui a pas demandé seulement de marcher. Ça aurait déjà été un effort fantastique si on s'en tenait à quelque chose de rationnel. Mais en même temps, prends ton grabat en plus. Hein. Bon, il aurait pu lui dire marche puis laisse-le là, ton montadis grabat que tu as depuis tant d'années. Mais non, prends ton grabat puis marche. Hein. Bon, ça veut dire, ça demande un effort profond. Bon, c'est là que tout se passe. C'est dans cet effort. Puis on est aussi ankylosé que l'homme de l'Évangile. Hein. On est vraiment très ankylosé. On n'est pas encore capable de vraiment marcher sur le sentier, être dans la force que l'on veut, être dans et de cette divinité. On est encore des êtres très fœtales. Mais pour sortir de l'utérus maternel, il y a des efforts à faire. Semble-t-il d'ailleurs que c'est très traumatisant la naissance. Enfin, ça, c'est à chacun de vérifier. Mais je serais porté à croire qu'il y a vraiment un effort très, très important, pas seulement de la mère qui met au monde, mais de l'enfant lui-même qui va devoir accepter maintenant de ne plus avoir les conditions idéales de l'utérus maternel, mais d'être plongé dans le monde. Or, ça, on n'est pas encore nécessairement prêt à faire cet effort de devenir mature, de devenir adulte, de devenir autonome, d'être capable de ne pas demander à sa mère de nous nourrir ou à son Dieu de nous sauver ou ainsi de suite, mais de faire soi-même un travail qui s'impose. Et alors, lorsque le travail est amorcé, eh bien, il y a la mère qui fournit la nourriture. Le reste viendra de surcroît. Le reste, c'est sûr qu'il vient de surcroît. Mais il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a un mouvement de la personne qui doit être donné. Et s'il n'est pas donné, il n'y a rien à faire. Autrement dit, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent atteindre l'initiation, la libération, en demeurant dans leur état actuel de conscience, en demeurant dans la médiocrité qu'ils vivent aujourd'hui, sans faire d'efforts, en se laissant aller, puis en attendant d'avoir été suffisamment d'années dans leur groupement pour avoir le grade de libéré vivant ou des choses comme ça. Ces gens-là seront très profondément déçus parce que quand on se met à l'œuvre, eh bien, il y a des larmes, il y a des difficultés. Et même dans ces difficultés, dans ces larmes, il faut trouver l'aspect positif. Bon, la dernière fois que j'ai pleuré, ça date de peu, cette semaine d'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose fantastique, hein, c'est que, comme disait Hegel et comme le disait Marx aussi, il ne faut pas voir dans le mal que le mal. Alors, je me suis rendu compte d'une chose fantastique, c'est que quand on pleure, ça nous débouche le nez. Hein? C'est un côté positif de l'affaire. Hein? Puis quand on le long comme nous, hein? Si vous permettez que j'en parle, ben ça fait du bien. Bon. Alors, y a toujours quelque chose de très positif dans toutes ces épreuves. Autrement dit, il ne faut pas prendre des traits de face de carême, hein? Ce qui était la chose la plus horrible au visage du Christ. C'était des gens qui prenaient des faces de carême, qui disaient « Oh mon Dieu, j'ai jeûné ». Il faut essayer, à l'intérieur de cette difficulté, de vivre la vie debout, par soi-même, avec une certaine autonomie, avec une certaine indépendance. Il faut essayer d'irradier quand même et trouver, comme je le disais la semaine dernière, le bien dans ces choses-là. Et alors, en trouvant le bien dans ce type de choses, qu'est-ce qu'on fait? On accentue la valeur bénéfique de l'expérience, et puis, par indifférence, on amenuise et on annule la dimension négative de l'expérience. Alors, c'est parce que je ne veux pas laisser l'image d'une mortification qui serait bête en se flagellant, ainsi de suite, puis en disant, mon Dieu, que la vie est dure, puis il faut se transformer, puis il faut souffrir. C'est pas tellement là que ça se passe, comme dans la façon d'aborder la vie qui nécessairement apporte sa quantité de douleur et de souffrance, mais dans une expansion des choses où on met son attention sur le fait que ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de transcender, ça nous permet de dépasser, et que chaque erreur, chaque bêtise, chaque geste mal posé, chaque mot placé au mauvais endroit nous permet au moins de conscientiser que ce n'était pas comme ça qu'on devait le faire et d'aller plus rapidement vers la lumière dans les années qui suivent, dans les expériences de la journée qui suivent. Je regarde deux grands courants de pensée, deux grands courants d'idées, par exemple la religion et la science. Il me semble que la religion a en quelque sorte figé ses concepts ou est restée figée dans ses concepts, tandis que la science, elle, voit ses concepts continuellement remis en question, évoluer, au bout du compte. Ouais, sur un plan global, c'est vrai. Mais prenez un scientifique aujourd'hui, dans son laboratoire, et aller lui dire que dans son éprouvette où il fait l'insémination artificielle, il y a des anges qui interviennent, puis qui amènent la tombe germe. Hein. Vous allez voir si votre scientifique est dogmatique aussi il est dans l'acceptation de la remise en question de son hypothèse ou de sa thèse ou de sa théorie. Oui, ce sera peut-être aussi dans une redéfinition du vocabulaire qui va accepter ce concept-là des anges dans son éprouvette. Il va avoir d'autres termes. Ça va prendre tout un effort de vocabulaire, d'adaptation, oui, pour qu'il parle de... À moins qu'on soit devant Jean Charon, mais pour qu'il parle d'ange. Ce que je veux illustrer par là, c'est que le scientifique est très certainement, dans son credo, je vous ai déjà donné, est certainement tout aussi dogmatique que le religieux. Le religieux, disons qu'il a une permanence de son dogme qui est plus étendue parce que c'est fondé sur une révélation transcendante ou divine, alors que la révélation... De la science est fondée sur des autorités qui peuvent être détrônées, qui sont les docteurs, l'équivalent des docteurs de la loi, mais qui sont les docteurs de la chair de telle université qui ont dit non, mais écoutez, la membrane cytoplasmique, elle fonctionne de telle manière et la perméabilité fonctionne de telle autre manière. Bon, pendant des années, on a enseigné ce qu'on m'a enseigné, moi, au cégep, au niveau de la perméabilité de la membrane cytoplasmique, bon, la membrane de la cellule. Un concept qui faisait autorité, parce que la personne qui l'avait amené, bon, était une personne reconnue en tant que docteur dans cette dimension, et ça a pris des années avant qu'une autre personne dise, mais écoutez, les échanges au niveau de la membrane cytoplasmique, c'est pas comme ça se passe. C'est plus facile parce que les personnes sont là, hein, puis ils sont sur le plan matériel, puis ils ont des défauts. Alors, on se dit, il était prix Nobel de chimie, d'accord, mais il a violé 3 petites filles, et puis etc. Bon, c'était pas une perfection. Alors là, on a plus de facilité à prendre prise sur sa doctrine, sur son dogme scientifique, puis dire, bon, ben, écoute, si c'était un violeur, hein, ben, peut-être son dogme n'est pas si bon que ça, puis de le remettre en question. Mais quand c'est Dieu qui a révélé la sainte doctrine, ben là, c'est plus difficile de... avec l'usage d'une faiblesse qu'on pourrait lui attribuer, dire sa révélation, mais écoute, elle n'est peut-être pas parfaite. Alors, c'est pourquoi il y a une permanence de la dogmatique religieuse qui est plus forte, qui est plus difficile à désancrer peut-être que la dogmatique scientifique. Mais dans l'expérience quotidienne, dans l'expérience de la vie directe, c'est tout aussi prenant et tout aussi enlisant, si on veut. C'est au niveau de l'histoire qu'on voit une flexibilité qui est plus grande et qui permet peut-être, en tout cas sur le plan extérieur, ce qu'on pourrait appeler le phénomène du progrès, qui n'existe pas dans... et par des prodiges. Bon, voilà.